Sur cet itinéraire, la ville la plus importante est Lons-le-Saunier, réponse A. Chaux-de-Dombief, réponse B. Saint-Claude, réponse C. Les Piards, réponse D.